ハロー。ローラー、ザンフォントム、アンチュア。Y aurait Titi, on jouerait. Hey, hey. Hey, hey. On jouerait Cendrillon. C'est quoi les accords? Midi. 10 ans de cette vie ont suffi à la changer. C'est où Cendrillon? Midi, téléphone. Bon humaine, dans ton côté. Cendrillon. Lola. Ah, est-ce que j'ai Renaud? Ah oui, c'est ce que j'ai Renaud. J'ai pas de minifile. Je vais essayer de trouver sur internet. Il y a bien un fan qui a fait ça sur internet. Tiens, alors voilà. Cliquez sur le titre. Oh, putain, l'autre, il a fait tous les trucs de Renault, regarde. Pour info. Dans mon HLM. Morgane Détour, c'est ça? Ah, mais c'est du RAR, ça. C'est quoi ça? En voyant, voyons comment ils ont fait ça. 16 pistes. Ouais, c'est triste. Hein. On l'aimait bien. C'était un mec bien, Renaud. Ouais, c'est un mec bien, mais l'alcool l'a pourri. C'est pour ça que j'ai arrêté de picoler. Hein. Pas finir comme lui. Bon, à la rigueur, petit truc de temps en temps, tu vois. Mais pas l'alcool. Ah, là il y a une batterie là. Il faut trouver le piano. Clavier. Ah, clavier. Il y a un clavier là. Ah, ben, on n'entend pas le clavier là. Putain. quand même. Là, c'est le refrain, ça. Que le refrain. Lola.